I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salut et bienvenue à une autre édition de Subversion, la 30e édition du 15 avril 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio et exceptionnellement pendant 1h30. C'est pour ça qu'on commence plus tôt pour vous présenter ce spécial de 90 minutes Metal for Breakfast, cette fois-ci avec notre ami Wayne Archibald, avec qui on va partager certains de nos coups de cœur parmi les imports et démo tapes de la période du tape trading de 1980 à 1987. Wayne qui a correspondu avec des adeptes du réseau international de tape trading, dont certains ont été des joueurs importants dans des bands et éventuelles compagnies de disques, et surtout de médias underground tels que Ron Quintana de Metal Mania, Bob Nalbandian de Headbanger, John Stradnitsky de Metal Rendez-vous, en plus d'être impliqué plus tard dans le zine francophone montréalais, le Metal Chaos de Johnny Hart, notamment au niveau de la photographie dans plusieurs concerts qui ont lieu à Montréal au début des années 80, et aussi d'autres joueurs de médias européens comme Metal Forces, Shock Power, Headbanger, Enfer Magazine aussi. Donc, tout ça, on va en jaser. Voici ce Metal for Breakfast en direct in Montreal. Metal for Breakfast avec Wayne Archibald. Metal for breakfast. Metal for breakfast. Bon, nous sommes en compagnie pour ce Metal for Breakfast en direct du Jarry Smoke Pit sur Jarry à Montréal, dans l'Est. Je suis avec mon ami Wayne Archibald. Salut. Salut, mon Zébain, ça va bien? Oui, ça va, toi? Les saucisses et le bacon, t'es bon, après. Oui. Ah oui, oui, ça fait du bien. Ben là, c'était supposé être un Metal for Dinner, mais on a regardé l'heure, puis là, on a vu au menu que c'était disponible à déjeuner. Fait qu'on y était avec un breakfast. Ben, c'est ça. Évidemment, aujourd'hui, on va y aller avec... On voulait jaser nos highlights sur, en tout cas, l'époque Dans le tape trading days, en fait, de 80 à 87 à peu près, on va parler de certains imports, certains tapes, certaines cassettes qui ont marqué notre cheminement de découverte dans le métal. Puis, en tout cas, on va parler de tout ça après la première pièce que tu as choisie, celle de Accept Breaker. Pourquoi tu as choisi cette pièce-là? Mais dans le temps, les années 80, c'est la meilleure époque du métal. Puis le German metal, c'était full front, up front, in your face. C'était là, pour moi, la meilleure band dans le temps. Puis quand ils ont sorti l'album Breaker, ça, j'ai fait wow. Puis the rest is history. OK, on y va avec Breaker, la Subversion. On vient d'entendre Accept avec Breaker de l'album éponyme. C'est sorti en mars 81. En fait, il célébrait son 35e anniversaire le 16 mars dernier. C'était leur troisième album à ce moment-là. C'est sorti sur Brain Records, un label allemand qui se spécialisait supposément dans le krautrock. Scorpions en ont fait partie aussi. Produit par Dirk Steffens, qui a travaillé aussi avec Halloween, Running Wild, Gravestone, Sinner, Mad Max, et même... Puis, c'est un choix de Wayne, évidemment. Ça a été un groupe marquant. dans son cheminement dans le métal. Peux-tu nous parler un petit peu plus de pourquoi que Accept ça t'a accroché, puis comment est-ce que ça a été quoi ta première impression? Comment t'as été introduit à ce band-là? Il n'y avait pas d'Internet, ça c'est sûr. Donc c'est via les démos, les cassettes qu'on entendait des nouveaux bands, on découvrait. Et des magazines, surtout des magazines européens comme Art Shock, Kerrang. Kerrang, à un moment donné, il avait mis Wolf Hoffman sur la front page. Je pense que c'est issue numéro 32, si je me rappelle bien. Là, je ne suis pas sûr. Celui qu'on a devant nous, finalement. Puis Wolf Hoffman, je le trouvais tellement cool, son look, Flying V, ses cheveux surtout. Là, je voulais être comme lui. Puis en écoutant leur musique, big fan, man, big fan. Fait que finalement, t'as fait un retour en arrière avec les albums précédents. Effectivement, puis les premiers albums sont très très bons. C'est pas nécessairement comme Rust Some Wild ou Breaker, mais il y a des très bons, sont spécialistes dans les ballades, comme un petit peu comme Scorpions. Il y avait un style, il y avait leur son. C'est ça que j'aimais avec le German metal d'antan. Même les Suédois aussi avaient été bons là-dedans. Mais le German, je sais pas, il y avait le son de guitare à Wolf Hoffman, puis il y avait Udo, puis je sais pas, ils étaient cool les gars, tu sais. Puis à un moment donné, je les ai vus à Ottawa live au Barrymore's, puis j'ai pris des photos, puis c'était incroyable. J'avais pris des photos, puis j'étais tout seul en avant. Ouais. C'était juste one of those nights, puis c'était incroyable. C'est un feeling que j'ai bien aimé. Ah oui. De beaux souvenirs relatifs à Accept. Moi, c'était avec Restless and Wild que j'avais été introduit. J'entendais parler d'un band qui jouait encore plus vite que Anvil, puis des groupes comme ça, là, les groupes les plus heavy qu'on écoutait dans le temps au secondaire. Puis quand j'ai entendu Fast as a Charge, évidemment, la face puis tout ce qu'elle a avec nous a tombé à terre, évidemment. Fait que, en tout cas, mais même Breaker, c'était quand même un album assez solide pour le temps. Breaker. Oui, puis c'est ça, du début jusqu'à la fin. Il y avait quelque chose de spécial, puis même la pochette était écœurante avec la fille puis la barbelée, puis c'est ça. Puis après ça, puis il y avait toutes les tunes, du début à la fin, c'était vraiment, vraiment, puis il y avait le son aussi. Il y avait full de photos dans sur les inner sleeves. C'était un de ces albums-là que tu écoutes, puis je sais pas, il y avait quelque chose qui t'accrochait. Puis après ça, Rust and Wild est sorti, c'est sûr. Fast as a Shark, quand ça a commencé, wow, Princess of the Dawn. Puis, mais il y a beaucoup de petits débats des fois avec mes amis de Québec, là, Bob et Peter. C'est quoi le meilleur album, Rust and Wild ou Breaker? Mais moi, j'ai toujours resté avec Breaker juste à cause du son puis la pochette et tout le whole kit, tu sais, pour moi. En tout cas, c'est bon. Des fois, c'est souvent dans le. C'est pas nécessairement parce que c'est le ultimate best album d'une discographie, mais c'est aussi de la façon, puis le moment qui est arrivé dans nos vies, ces albums-là, comment est-ce que l'impact qu'il y a eu aussi dans nos vies, à nous autres, mais aussi à large, qui fait la différence des fois avec du recul, de dire, bon, c'est, ouais, je le vois comme le favorite ou le highlight de cette band-là. Ah oui. Puis effectivement, un de mes amis était à l'université à Bishop's, je pense, puis il me l'a envoyé cet album-là via, parce que je ne l'avais pas acheté encore, je l'avais entendu, mais pas acheté. Puis il me l'a envoyé par la poste, puis j'étais comme un enfant à Toys for Us. C'était incroyable, le feeling que je l'avais. That's it? Oui. Bon, en fait, oui, fait que c'est ça, on avait entendu Accept Breaker, évidemment. Prochaine pièce, on va entendre Venom, mon choix. Puis aussi Michael Schenker Group, une pièce du premier album que tu dois affectionner particulièrement. Pourquoi Michael Schenker? C'est la tune Lost Horizons. C'est du premier album de solo de Michael Schenker. Je sais pas, il y avait quelque chose encore là, cet album-là, la pochette, le son, les photos, mais la production de l'album aussi. Puis j'étais un gros fan de UFO, mais j'ai descendu de Jonquière à Montréal. Je pense que c'est Phantasmagoria que je suis allé, puis j'ai acheté cet album-là. J'étais en fil avec cette vinyle-là dans mes mains. Puis je trippais tellement. Il y avait un gars derrière de moi aussi, il l'avait acheté aussi. Ça venait de sortir. Puis je sais pas, il y avait quelque chose de spécial dans cet album-là. Puis tu m'as demandé c'est quelle tune que tu voulais choisir, mais il y en a une maudite bonne tonne de chansons que je peux choisir. Mais cet album-là, là, il reste marqué dans ma tête. Je sais pas pourquoi, chaque fois que je l'entends, ça me ramène à cette époque-là. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, puis c'est vraiment, j'ai hâte de l'entendre sur ton show. C'est comme un time-traveling album, finalement. Effectivement. Puis surtout Schenker, tu sais, il y a son style, il y a son son. Mais quand c'est sorti, ça, c'est différent de UFO. C'était très moody, très... C'était soft, mais c'était... Je sais pas, il y avait très emotional, sa musique, cet album-là, je trouve. Ouais. Et évidemment, Michael Schenker a influencé beaucoup de guitaristes qu'on connaît aujourd'hui, notamment Dave Mustaine, évidemment, Kirk Hammett, Randy Rhoads, qui sont pas les plus petits. Moi, j'ai pas bien connu UFO avant longtemps, mais ce que je me rappelle, les premières écoutes, c'était vraiment son tone de guitare particulier, ses solos, un son extraordinaire, je pense, puis je pense qu'il a aussi fait la différence par rapport à ça. Un petit peu comme Wolf Hoffman aussi, il y avait son, c'est ça. Oui. Je suis pas un guitariste, ça a toujours été important, les chanteurs dans un band, même pas les paroles, la voix de chanteur puis les mélodies, mais Schenker, comme Wolf Hoffman, je trouvais que c'était tellement... Puis les deux ont des flying vies, cheveux blancs, je sais pas pourquoi, ça n'a pas de rapport. Ouais, ouais. Mais je trippais vraiment sur ces styles-là, puis ça m'a très beaucoup influencé dans mon style de musique. Mm-hmm. Même si je suis pas guitariste, là, mais avec un music fan. Donc, c'est ça qu'on va entendre, Michael Schenker avec Lost Horizon, et aussi Venom, Sons of Satan. On parle d'un album, Welcome to Hell, c'est ce genre de choses qui étaient vraiment nouveaux dans le temps, puis ça a été un déphasement total d'entendre ça, c'était dans un tout autre genre, tout autre style, mais comment est-ce qu'on appelle ça ces albums-là déjà? C'est un life changer en quelque part, parce que ça a été une introduction vers justement le métal plus extrême, plus trash, tout ça, mais... d'une manière tellement, comment je peux dire, ça faisait peur vraiment d'écouter ça. J'écoutais ça dans mes headphones pour pas faire subir ça à mes parents. Et puis, tu sais, Sons of Satan, Welcome to Hell, In League with Satan, tout ça, c'est comme... C'était très démoniaque. Oui, oui. Puis c'était, en voyant les photos, on avait quasiment peur d'eux autres. Oui. On parle des 80s, early 80s, là, donc... Ouais. Il y avait quelque chose d'épeurant, tu sais, on voyait des photos, mais my God, ils vont nous tuer, ils vont nous manger. Non, mais c'est vrai, puis il y avait un nouveau son, puis les deux premiers albums, j'aimais ça, mais j'étais pas en amour avec ce band-là. Ouais. J'aime mieux ça maintenant que dans le temps. Je sais pas pourquoi, mais en les réécoutant maintenant, je me dis, wow, parce que là, il y a maintenant, ces jours-ci, il y a tellement d'affaires plus élevées qui ont sorti comparé à Venom, tu sais, dans le temps. Mm-hmm. C'est comme extreme, là. Oui. Mais maintenant, c'est loin d'être extreme un peu, tu sais. C'est sûr. Comme on écoute du vieux Tank ou du vieux Motorhead, c'est très, très rock and roll, puis pas trop métal, tu sais. Les premiers Anvil aussi. Oui, exactement, c'est ça. C'est quand on compare, là. Mais Venom, je sais pas, il y avait quelque chose dans leur style, leur look... C'est très populaire aussi aujourd'hui, hein? Mm-hmm, les t-shirts et les shows et tout, là. Oui. Ça marche fort encore. Ah, c'est définitivement un blueprint pour des mouvements qui ont succédé dans le genre. Donc, Venom, Welcome to Hell, sorti en décembre 81. Ça avait été produit par Keith Nichol. On peut parler de production parce que c'était quand même assez minimal comme production, mais ça fait son charme en même temps, évidemment. C'est pas comme le premier Voiva. Keith Nichol avait travaillé avec Atomcraft, Raven, TNT, Jaguar, Ties and Dog, toutes des bandes que tu connais. Finalement. Sur Neat Records, je pense. Oui, pas mal, toutes des bandes de Neat, oui. Puis évidemment, Banzai, été 84, juin, parmi les premières rééditions de Banzai au Canada. Hein. Avec At War with Satan, puis Black Metal, un peu dans le désordre. Bref, on y va avec Michael Schenker Group et Venom après ça. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. De retour au 6549 Jarry Est, Montréal. Oui, pour ce Metal for Breakfast avec Wayne Archibald. Toujours fidèle au poste. Là, il a décidé qu'il prenait plus de café. À un moment donné, là, je veux dormir à soir. Prochain bloc, on va entendre Oz, Riot et Voivode. Voivode, on ne pouvait pas passer à côté. Hein. Justement, Wayne, toi qui viens du lac et de ce coin-là, la Saint-Jean, Jonquière, etc. Comment tu les as rencontrés, toi, les gars de Voivode? Honnêtement, je ne me rappelle pas trop de la précisément du moment, mais je pense que c'est via des amis, des chums. Puis Jonquière, c'est petit quand même, hein? Puis sur le Saguenay en passant, c'est vrai, pour Lac-Saint-Jean. Ah oui? Puis, puis on est très sensibles, nous autres, les Saguenayens, pour ça. Mais anyways, Voivode, c'était un des bands locales avec Death Dealer. Puis Messiah Force plus tard, mais dans ce temps-là, early 80s et les années 80, ben, Voivod, il commençait à faire des shows de temps en temps, comme Death Dealer, puis les deux ont chacun fait des petits shows dans les églises, puis dans les bars. Puis Voivod, ben, j'ai aidé avec des pen pals, des correspondants autour du monde pour promouvoir leur merchandise, puis envoyer ça partout au monde. Puis à cause que je suis un anglophone, ben, ça a aidé eux autres à starter ça jusqu'à temps qu'ils déménagent à Montréal. Puis Voivod, c'est un gros band maintenant, international. Puis c'est bien le fun d'avoir les avoir aidés au début, tu sais. Puis surtout quand j'avais des correspondants. Puis comme l'histoire dit, ben, je connaissais Brian Segal de Metal Blade Records. Puis en envoyant les démos là, ben, ça a aidé. Puis ils ont été capables de faire leur premier album, qui est un classique encore. Puis oui, c'est l'album favori à moi de Voivod. Ah oui. Ça va toujours rester, je pense. Donc, toi, tu correspondais avec Brian Slagle à ce moment-là. Donc, si je comprends bien, toi, tu étais dans ta chambre à Arvida, c'est ça? Puis lui, il était dans sa chambre à Los Angeles, vous écriviez? Quelque chose de même. Je ne sais pas si lui était dans sa chambre. Oui. Mais moi, j'étais dans le sous-sol à ma mère, à Arvida. Là. Puis mes nièces, ils appelaient ça The Dungeon. The Metal Dungeon. Yeah. Anyway, c'est ça. Puis j'avais mes correspondants, mes pen pals, comme on dit. Puis... Brian Segal, il était à L.A., je pense, si je ne me trompe pas, jusqu'à temps qu'il déménage à Arizona. Puis il connaissait du monde que je connaissais via des fanzines, des magazines. Mm-hmm. Puis maintenant, j'ai réécrit, puis il ne me répond plus. Ah, okay. il est trop big, je pense. Trop big, ouais. Ben, je sais que quand il a lancé, au moment où il lançait la compilation, le premier Metal Massacre, donc Metal Blade était fondé, évidemment, puis il était encore... Moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'il était encore chez dans sa chambre à ce moment-là. Metal Blade, ça a commencé dans sa chambre. Ah, ça se peut. Ça je sais pas. Ah oui? Ah, c'est news pour moi, mais ça se peut bien. Tu sais, à un moment donné, quand tu commences des projets comme ça, des labels, ouais, ça prend de l'argent. Hein, puis ouais, je suis sûr qu'il était bien chez sa mère comme moi. Là. Ouais. Sa mère faisait son lavage, puis c'est lunch. Là. Donc, ouais. Ouais, on va y aller avec la pièce de Voivod que j'ai choisie. Moi, War and Pain, c'est un album que j'ai lu un petit peu sur le tard, hein, parce qu'il est sorti, un petit peu. Regardez mes notes pour ne pas me tromper. Attends un petit peu. Ouais, c'est ça. En août 84 sur Metal Blade, moi, j'avais commandé une importation au magasin Polisson à Rouyn-Noranda. Ça avait pris bien du temps. Ça a été jusqu'en mars... Il y a l'hiver suivant. J'avais marché là, toute la ville, la polyvalente, aller jusqu'à l'autre bout là, dans l'ouest de la ville, dans la neige pour aller chercher. Là. Puis c'est un album que j'ai travaillé fort pour l'avoir. Puis en tout cas, bref, c'était un autre galette qu'on mettait sa table tournante et on s'en souvient la première fois. C'est comme un SOD Speak English or Die, comme un Venom Welcome to Hell. La sensation la première fois, je dis, c'est totalement wow, c'est quoi ça, tu sais. Puis c'était pas évident, je sais pas, c'était un peu justement un peu comme à l'instar de Venom, tu sais, on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'on vient d'expérimenter la première fois qu'on écoute ça, parce que c'était une tonne de bruit là, c'était à la limite d'être incontrôlable, mais ça a été contrôlé en grosse partie grâce à Piggy, hein, qui était déjà un musicien quand même assez aguerri à ce moment-là. Fait que moi, j'ai choisi la pièce Live for Violence de cet album War and Pain qu'on écoute à l'instant sur Underground Québec Radio. Yeah, we're back! Living in the On vient d'entendre Voivode avec Live for Violence de leur album War and Pain, leur premier de 1984, évidemment. Et on va y aller avec un choix de Wayne cette fois, une pièce de Riot. La pièce est en Outlaw. J'ai catché après, c'était quoi? C'était quelle tune sur Fire Down Under? J'aimais beaucoup cet album-là. Je pense que c'est mon préféré que je connais de Riot. Je ne connais pas toutes. Mais cette pièce-là, c'en est une très bonne. Toi, ça a été quoi ton premier contact avec Riot? Ben moi, c'est parce que j'ai acheté l'album par surprise. Je connaissais pas trop le band. J'étais à Chicoutimi, je pense au Polisson, ça s'appelle, Place Saguenay, my God. Puis c'est là où j'ai commencé à acheter mes vinyles, Priest, Scorpions, Tokyo Tapes, AC/DC, Highway to Hell. Puis il y avait Riot là-dedans. Moi, dans le temps, tu sais, il n'y avait pas d'internet encore. Puis je commençais à écouter du métal, puis... En regardant les pochettes, ça dit un petit peu quelque chose. Je suis tombé sur Riot. Puis cet album-là, c'est tellement incroyable. Puis c'est le son, c'est une tonne à l'autre. C'est un album quasiment parfait. Peut-être dans mes top 5 de tout le temps, de tous les albums. Ah, oui. Puis la tonne à l'autre, je sais pas, c'est la guitare au début, là. Puis c'est tellement. Wow, tu sais. Avec le flanger, là, la vanille un peu. Ouais, ben, un petit peu. La In Talk About Love, c'est celle-là. Hein? Ouais, un petit peu. Ouais. C'est ça, ouais. Mais c'est ça. C'est quel album, ça, quand même, tu sais. C'est un super de bon riff en plus. En riff plus. Principal. Ouais. Donc, c'est leur troisième album à ce moment-là, en 81. Février 81, 35e anniversaire en février. Je l'avais souligné d'ailleurs à Subversion. J'avais fait jouer, je pense que c'était la pièce titre, il me semble. Puis, bien évidemment, c'était avec les deux musiciens regrettés qui nous ont quittés respectivement en 2003 et en 2012. Guy Speranza à la voix et Mark Reel à la guitare. Est-ce que tu avais vu Riot to Life? Jamais. Non, jamais. Okay. Je ne sais même pas son nom au Canada. Ah. Je sais pas, ça se peut, si quelqu'un peut nous dire, ce serait le fun, j'ai jamais su qu'ils sont venus. Puis il n'y a pas beaucoup de live footage. Il y a un bon vidéo enregistré à New Jersey, je pense, que sur YouTube, mais il n'y a pas beaucoup de photos et pas beaucoup de live footage de vidéos. Puis je sais pas si on jouait beaucoup, puis je sais pas si on est venu au Canada. Puis pourtant, c'était pas loin, New Jersey, New York. Ouais. Non, ça c'est un band que j'aurais beaucoup aimé voir. Alors c'est un choix justifié. Sylvain, en revenant, j'ai vu Riot 5 l'année passée, mais c'est pas pareil. Il n'y a aucun original members là-dedans. Ça, donc pour moi, c'est un cover band. C'est peut-être à dire, là. En tout cas, my version. Et aussi, on va entendre également Oz avec la pièce titre de leur deuxième album. Deuxième, Fire in the Brain. Yeah. Ah, c'est quelle band. Incroyable cet album-là. C'est incroyable. Il y a personne qui peut dire quelque chose de négatif sur cet album-là. La pochette, les tunes, le son. Mm-hmm. J'ai hâte d'entendre ça à ton show aussi. Oui. Yes. C'est un album unique vraiment. Hein? Puis, quelle qualité sonore. C'était sur Combat. Et puis, j'avais un ami à Rouen qui l'avait. C'était lui qui l'avait en import, en original. C'est par lui que j'ai connu ça, en fait. Puis, en fait, aussi par le biais d'une émission de radio à CIRC avant la mienne, genre en 80. Début 84, peut-être, il avait fait jouer les importations du magasin Polisson parce qu'il travaillait là. Puis il avait fait jouer une pièce de Oz. Puis mon ami qui, justement, en fait, qui s'appelait Dolby. Son nom, c'est Dolby. Puis il proclame l'avoir fait jouer entre 1000 et 1200 fois. Et il n'y a encore aucune égratignure. C'est un disque d'une très excellente qualité avec un son de la mort. Ouais. Ça a toujours été assez difficile sur les hautes fréquences, là, lui. Puis il était bien servi avec cet album-là, au niveau du son. Là. Oui. Puis, en vinyle aussi. Avoir le vinyle original. Moi, je l'ai l'original encore chez nous. Puis il y avait quelque chose de spécial. Je ne sais pas pourquoi, mais le son. Oui. Ils ont refait les tunes avec un new line-up il y a 2-3 ans, je pense. Puis le son, c'était pas pareil. Jamais. Puis en fait, Turn the Cross Upside Down sur cet album-là aussi, c'était pas pareil parce qu'il y a un petit single qui ont sorti Turn the Cross Upside Down, peut-être la tune la plus populaire d'eux autres. C'est incroyable comme chanson. Puis le son était pas pareil maintenant. Dans le temps, il y avait quelque chose dans c'est le mood, le feeling, les années. C'est écœurant ce band-là. Puis il existe encore un chanteur, Ape, je pense, s'appelle. Ape DeMartini. Je sais pas si sa mère, il l'a nommé Ape. En Finlande, je pense pas que ça soit un surnom très populaire, Ape, là, mais bon. Je sais. Je veux dire un nom. Peut-être aux autres grandes villes. Donc, ça avait été produit par, en fait, un vieux de la vieille en Suède qui s'appelle Stig Borg Forsberg, alias Le Boss. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, pas en tout. Pas Russ The Boss de Manowar, mais Le Boss. C'est un gars qui est né en 1944 quand même, assez âgé mais aujourd'hui, mais il était responsable de la production de nombreux bands sur Black Mark de Suède, comme Battery, Invocator, Séance, Edge of Sanity, entre autres. Puis, c'est lui qui a produit cet album-là. La main qu'on voit sur le cover, supposément que c'est la main de Quarton de Battery, chanteur de Battery. Ah, je savais pas ça. Moi non plus, mais j'ai su ça sur le tard. Puis, quand j'ai vérifié l'information, je ne me rappelais pas de ce fait-là. Mais c'est quand même particulier. La main sur le crâne, c'est ça? Oui, c'est ça. Wow. Ou le crâne dans la main. Ou le crâne dans la main, c'est comme ça. Ça ouais. On n'a pas en avait nous autres. Non. Il y a un fait particulier par rapport à Oz que j'ai noté ici. Après que Oz a eu un royalty check, un chèque de royalty, si tu veux, de redevance, pour Turn the Cross Upside Down, pour un montant de 666 SEK, ben, qui est des kronas, Swedish money, l'argent suédois, qui équivaut à peu près aujourd'hui à 107 $ canadiens. Le bassiste et principal compositeur du groupe, ben, s'appelait J.C. Blake. Il a décidé d'arrêter d'écrire des chansons sataniques à cause qu'il a reçu un chèque de 666 kronas. Pas vrai, ça? Ben, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est l'histoire. Ouais, c'est ça. Ça reste à vérifier dans les. Dans le réseau, on sait pas, mais c'est quand même loufoque. C'est intéressant quand même. Ouais, c'est ça. Je ne savais pas celle-là. Bref, on va aller écouter ça, Riot, avec Outlaw et Us Firing the Brain, la subversion sur le bloc de Radio. We'll be right back. Donc, toujours au Jerry Smoke Meat dans l'Est de Montréal avec Wayne. Et les trois prochaines pièces sont des choix de Wayne. D'abord, Merciful Fate avec... oui, ça va être une toune issue d'un démo. Hein. Il y a eu plusieurs versions de cette chanson-là. Je pense pas me tromper en disant que celle que je vais faire jouer provient du premier démo. Tu as choisi la pièce Death Kiss. Ouais, je pense qu'ils ont changé de titre après ça, hein, Death Kiss. Oui, mais, c'est devenu un Dangerous Meeting. Ouais, quelque chose là. En tout cas, bizarrement, le début de toute Merciful Fate, je suis pas un expert là-dedans, donc je sais qu'il y avait un autre nom avant ça. Mais je sais pas, c'est en trouvant des magazines, puis des fanzines, puis recevant des photos de les pen pals, des correspondants, que. Puis c'était très intriguant ce band-là. Puis je sais pas, il y avait des photos cool d'eux autres. Il y avait King Diamond qui était là. Mais les démos, là, c'est quelque chose... quand t'entendais ça, c'était original. Puis c'est, le son des démos, par exemple, c'était vraiment raw. Mais c'était heavy, mais un bon heavy. T'sais. Puis original, c'est ça que j'aimais ça, l'originalité d'eux autres. Mm-hmm. T'avais reçu... Tu te souviens-tu de... As-tu des souvenirs de qui t'as reçu telle ou telle tape, mettons en particulier Merciful Fate? Ouf, non. On arrête ça là. Non. Non, je les ai vus au Spectrum. J'avais pris des photos d'eux autres, puis que j'ai pris les négatifs. Mais en les voyant aussi live, c'était wow. Quel feeling de voir l'original Merciful Fate, c'est dans le temps. Là. Mm-hmm. Ça, c'était très, très bon au Spectrum à Montréal. Ça, j'aurais aimé ça avoir les photos encore. Ouais. Oui, très cool. C'était pour Metal K.O. en passant, je pense, que je prenais la photo. Okay. Ah ouais. Puis je trouve plus les négatifs, si quelqu'un a ça là-dedans, au Québec. donc, le premier démo avait été enregistré sous le nom de Merciful Fate, parce que, je lisais dans mes notes que Michael Denner avait son propre projet avant qui s'appelait Danger Zone, et ils ont comme combiné les musiciens de Danger Zone avec ceux de King Diamond, en fait, de Kim. Là, je me rappelle pas du nom du band, je pense que je l'ai même pas pris en note. Supposément que ça serait déjà appelé Back to Hell. Okay. Mais je sais pas si c'est c'était vraiment pas Brand ça. X ou je sais pas quoi. Quoi ça se peut. Je l'ai vu dernièrement, mais j'ai pas marqué. Mais c'est un peu confus, là, en fait, l'historique des débuts de Merciful Fate, mais. C'était pas Bratz aussi, mais Bratz aussi. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai vu ça, Bratz. Ça a été enregistré en mars 81 au Rock Tape Studio à Copenhague. Semble-t-il, ça a été assemblé d'un rehearsal tape, un rehearsal jam qui aurait eu lieu en mars 81. Donc, les trois premiers démos enregistrés la même année. C'était vraiment bon, les démos aussi. Oui. C'était vraiment bon. J'avais encore les démos en cassette. Je les ai donnés à un ami, là, mais... Sont pas durs à avoir, mais ça sonne super bon. Ouais. Super, sur des cassettes SATDK. TDK SA 90 minutes. Ouais. Que de souvenirs. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, on va entendre dans le prochain bloc la pièce Death Kiss tirée de ce démo. Et aussi Witch Killer, un groupe d'Ottawa que tu as très bien connu. Ouais, ça, c'est une belle découverte d'un band canadien. Ottawa, puis Kurt Phillips est devenu un de mes grands chums encore jusqu'à aujourd'hui. Oui. Puis. Que tu as revu d'ailleurs. Que j'ai revu, oui. En 2014, j'étais allé à Victoria, BC, puis c'est un magasin de guitare là-bas. Oui. Mais dans le temps, Kurt, il faisait ses affaires à Ottawa, il jouait avec sa Witch Killer. Puis il m'appelait à 3h du matin, après chaque gig. Je dormais, j'étais chez nous dans mon sous-sol, mon dungeon metal à ma mère. Là. Puis j'avais le téléphone à côté du lit, puis Kurt il m'appelait. Hey, Wayne, t'sais, il était ça à gauche, je sais pas quoi là. Il y avait un petit problème, peut-être d'alcool dans le temps. Okay. Puis anyways, puis mes Merciful Fate, je suis allé les voir au bar au coin à Québec. J'ai pris des photos d'eux autres, puis ça en noir et blanc, mais c'était cool, là. C'était le fun, puis l'original line-up encore avec Doug Adams qui est maintenant. Qui fait les pyros maintenant pour Metallica. C'est un beau chanteur aussi, Doug Adams. Puis, c'est un bon band, mais tu vois, peut-être qu'il y avait des têtes dures là-dedans ou des changements de décision de musique, d'orientation. Puis le band a spité un ou deux ans après. C'est de valeur parce que c'était le EP Saint Tun Witch Killer, là, Day of the Saxons. Là. Quel EP. Puis tout le monde, il n'y a rien à négatif à dire sur ça non plus. Là. Les Saint Tun sont écœurants. pense que c'est vraiment un des bands au Canada à ce moment-là qui aurait pu make it big. Là, moi, je pense que oui. C'est comme un petit peu comme un Priest canadien. Ouais. Puis peut-être parce qu'il restait à Ottawa, où il n'y avait pas de potentiel d'avancer là. Ouais. Okay. Je sais pas pourquoi c'est splitté. J'étais pas trop proche d'eux autres, mais je connaissais Kurt, mais c'est encore là, il n'y a pas d'Internet. Hein. C'était plus dur à faire ce contact avec des labels puis tout. Pis... Ah, c'est de valeur. Parce que ça c'est un band que je pense que... D'ailleurs, Saxon serait une bonne tune pour ton show, ça, c'est vrai. Oui? Ah, ah oui. Ben, je pense que c'est ça qui va arriver, moi. Donc, c'est ça, formé à Ottawa en 81. Days of the Saxon, c'est la version du hippie qu'on va entendre, originalement du premier démo en 82 et aussi du deuxième en 83. Même version, je sais pas. Pas non plus. Bref, on va entendre celle de 84 sur le EP. Ça avait été enregistré en juillet 83 au Phase One Studio à Toronto, mixé à Los Angeles, supposément par Brian Slagle. Je savais pas qu'il avait déjà mixé des albums, en plus des... J'ai déjà vu Executive Producer, mais mixer un album, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas. C'est une erreur. Il a fait une belle job, ça sonne bien. Oui. Et Joe Primo, qui est pas tout à fait un inconnu, qui a été engineer avec Anvil, pour Anvil, Sword, Infernal Majesty, Sacrifice, Razor, en passant, qui a travaillé sur l'album. Donc, on va entendre la pièce Dead of the Saxon aussi dans le bloc. We'll be right back. Ouais, la batte légère. Moi, j'ai compris. Pas besoin de me tordre les bras pour une la batte légère. J'ai compris. En tout cas, moi, je sais ce que je fais dans une bière. J'ai du goût. Toi, t'as compris. Avez-vous remarqué combien de vrais buveurs de bière choisissent la batte légère? Ils ont compris qu'une légère peut avoir un vrai goût de bière. La batte légère. Ça se comprend? C'est la batte. Et puis Exciter, non et non les moindres, qu'on a eu le plaisir de voir au Four Fun électrique le mois dernier. Hein. Yes, quel ouais. Show incroyable. Oui, hein? Ouais, c'était wow. Cool. On dirait que les gars n'ont pas vieilli. En tout cas, musicalement, là, ouais. C'était écœurant. Hein. Ouais. C'est sûr, physiquement, il y a un petit peu le manque de cheveux, un petit peu plus de poids de temps en temps à des places. Hein, mais les gars, c'est quel show incroyable. Puis ouais. Tout le monde qui était là, il ne peut rien dire contre ce show-là. Puis dans le temps aussi, ça rockait, mais c'est le fun de le revoir ensemble encore, l'original. Là, les originales, c'est oui. C'est ça, vraiment trippant. Oui. puis surtout, et puis c'est bizarre, là, du début du show, quand John Ritchie a frappé ses cordes, là, bang, ça sonnait exactement comme Heavy Metal Maniac. Le son était right on. C'était wow. Ça m'a rapporté aux années 80 encore. C'est vrai. Ah, quel feeling. Ah oui. Des fois, ça prend juste une note pour nous remettre dedans. Oui, exactement. C'est le son. C'est incroyable. Tu sais, comme tu penses, quand on parlait tantôt d'Accept, ses sons de guitare, quand je les ai vus au Club Soda, Wolf Hoffman qui commence sa guitare, wow, ça c'est Accept. Mm-hmm. C'est le fun d'avoir son son à toi. Hein? Oui. C'est comme Piggy, n'importe qui, c'est un leur son. Oui. Mais Exciter, c'est un bon band. Puis même dans le temps qu'ils ont ouvert pour Voivode, mais Voivode qu'ils ont ouvert pour eux autres au Saguenay. Oui. Puis quand ils ont joué au Spectrum aussi, là, c'est un maudit bon band, ça. Est-ce que je me trompe en disant que tu aurais été introduit à Exciter par une rencontre que tu avais faite au. C'était au bar. Oui, au Mascador, c'est ça. Oui, il y avait des bands au Mascador à Rivida. Il venait souvent de Toronto, d'Ottawa. Puis il y avait un gars, je ne dirais pas son nom, mais il m'avait donné le démo d'Exciter, le premier album. Puis c'était comme le master tape de l'album. Ah, okay. Puis moi, personne ne me l'avait dit, mais je commençais à envoyer ça partout autour du monde comme démo. Puis là, tout le monde freakait, c'est qui ce band-là? C'est quoi ce band-là? Après ça, Exciter, ils ont sorti leur album comme, je pense, 6 mois ou 8 mois, peut-être un an après. Puis les gars, ils m'ont pas trop aimé parce que j'avais envoyé le démo avant que ça sorte. Mais je savais pas, j'étais un petit peu innocent. Là. J'aurais dû y penser, mais je trippais tellement à ce démo-là de faire présenter ça à mes amis. Tu avais ça entre les mains, tout ce que tu voulais, c'était le faire découvrir, être le premier à faire découvrir ça. Exactement. Exactement. Puis finalement, les gars, ils ont dit « Ah ouais, t'as bien fait parce que tu nous as aidé à faire être connu, tu sais. » Ouais, ouais, ouais. Donc, quand ils m'ont dit ça, je dis « Ok, cool. » Puis on les voyait dernièrement, on n'en parle pas, là, mais on connaît l'histoire. Puis eux autres, je sais qu'ils ne m'aimaient pas au début, ils me sentaient mal. Mais sur leur deuxième album, « Violence and Force », ils m'ont mis dans les notes des « Thank you », des « Thank you », ils ont marqué « Wayne, Pen Pal, Archibald ». Ouais. Ah, ils trouvaient ça drôle, tu sais. Ils riaient de ça, je pense. C'était bien correct. Donc, ça avait été enregistré, ça, en août 82, dans le... On parlait de donjon tantôt, c'est drôle, hein? Eux autres aussi avaient leur donjon, The Dungeon Studio à Aylmer, et enregistré par... bon, j'ai pas le nom ici, c'est un nommé Bellerose, en fait. John. Oui, John, oui. Et puis... oui, et ça avait été enregistré comme un démo. Ça a été repris, évidemment, par Mike Varney, avec son label Shrapnel. Sur la côte ouest, j'étais à San Francisco, je pense. Ouais, Mike Varney, il était où donc? Je pense qu'il était. Je sais qu'il était en Californie, en tout cas. Puis, c'est ça. Fait qu'il a repris ça tel quel parce que le démo sonnait déjà très bien. Hein? Ouais, ouais. Non, c'était. Ouais, ça sonnait bien. Je pense qu'il n'y a rien fait, là. Parce que le démo était comme incroyable comme démo. J'aimerais ça. J'aurais dû garder mon démo, c'est sûr, mais. Alors, c'est 184, là, donc on ne garde plus ça. Mais c'était tellement trippant, ce band-là, quand ça a sorti. Puis, ils ont fait quoi, 3 albums, le line-up original, puis c'est tout, hein, je pense. Oui, après ça, ça a commencé à changer. Ouais. Donc, imagine pour les revoir. L'année passée, j'ai vu à New York, puis cette année, au Cleveland. Quel feeling de les revoir, puis les parler. Puis, ça, c'est un vrai metal story qui est très, très cool. Puis, puis je suis content d'avoir pris des photos en 83 d'eux autres. Tu sais, que eux autres, ils ont utilisé beaucoup. Il y a même une version brésilienne ou portugaise. Non, c'est Brésil. Ça vient de Brésil, un label brésilien. Ils ont sorti leur album avec un cover qui ouvre le premier album. Puis ils ont mis mes photos dedans. Je dis, ah, c'est cool. Tu sais. Ils m'ont pas demandé, là, c'est pas grave. Mm-hmm. Mais je trouve ça cool qu'ils utilisent. Puis ils me remercient encore là, pour ces affaires-là. Donc, je trouve ça. C'est le fun de faire affaire avec des bands qui sont encore existants comme Voivode et, et Witchkiller, ben ça se peut qu'ils ressortent le deuxième, le mini EP encore. Ah. Reissue, je sais pas quel label. Ah, okay. Donc ça c'est un work in progress encore. Donc, ce serait cool de faire que ces albums, que ces bands-là que j'ai aidés, ils ressortent des affaires, puis continuent, puis ils remarquent, puis ils disent thank you. Là, c'est le fun ça. Très cool. C'est toujours le fun d'être d'avoir une reconnaissance pour des fois tout ce qu'on peut avoir, qu'on a pu faire dans le plus petit des détails, des fois, ne serait-ce que d'avoir capturé une image qui va qui va circuler finalement. C'est, ouais, c'est dans l'histoire de musique quand même, tu sais. Ouais, ouais. Va mourir un jour, mais peut-être le monde va remarquer ça, la photo d'Exciter, ou c'est lui, il est mort, mais il a aidé, tu sais. Ouais. He's dead. Mais ça va arriver. Non, c'est très cool. C'est très cool de faire partie de ce monde-là un peu aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis aussi, ça c'est avant Internet, donc c'est. On travaillait fort pour avoir des correspondants puis des contacts, puis on voyageait, puis on allait au bureau de poste souvent. Ils me connaissaient pas mal au bureau de poste. Hein, ouais. Ah oui, hein? Ouais. Bon, ben en tout cas, on va y aller avec Exciter dans l'ordre. Moi, ça a été un immense plaisir de pouvoir faire ça avec toi. Moi, j'ai entendu ton nom la première fois dans un reportage à Radio-Québec en 87, un reportage sur Voivode, qui est un phénomène de société à ce moment-là. Ce fameux reportage, je me souviens que Blackie avait prononcé ton nom à cause du tape, fameux tape qui avait circulé. Puis là, on ouvre là, en tout cas des siècles plus tard, et on est en train de parler de ça, c'est fascinant. On est quasiment voisins aussi, hein, c'est vrai. C'est vrai. Ça aussi, c'était... C'est très cool. Très oui, cool. Oui. Bon, ben, on y va tout de suite avec Exciter, sa subversion sur Underground Québec Radio, live from Montreal. Rock on, Sylvain! vient d'entendre l'excellente pièce d'Exciter, Heavy Metal Maniac, un classique littéralement du métal canadien de cet album Heavy Metal Maniac, paru en 83 sur Shrapnel, mais qui était en fait l'extension, le reconditionnement, la redistribution du démo enregistré en 82, qui figure parmi vraiment des coups de cœur de l'historique de Wayne. Vraiment, et de même que les deux autres précédents aussi, Witch Killer, Day of the Saxon de 1984, paru sur le EP du même nom, ainsi que Merciful Fate avec Dead Kiss, paru sur le premier démo en 81, pièce qui est devenue, évidemment, plus tard, A Dangerous Meeting sur leur deuxième album. Le dernier bloc, évidemment, consacré des formations plus extrêmes. On est sorti du restaurant, comme vous pouvez le constater, pour ce dernier bloc. Alors, oui, ça, c'est parmi mes coups de cœur personnels de 86 à 88, notamment dans le pré-grind, les débuts du death metal. Et ouais, donc, on va entendre Sadistic Vision de Québec, on va entendre Morbid Angel aussi, et aussi Vermock, ce quintet de Portland en Oregon, format 85. On était déjà leur cinquième tape à ce moment-là avec le classique Vermock, avec des pièces qui sont devenues des classiques sur les albums subséquents, Shark Attack et Vermock évidemment, de 87 et 89. Donc, ce cinquième démo sorti en avril 86 avait mené à les amener à une entente avec New Renaissance Records, évidemment pour le Shark Attack de 87. Moi, en tout cas, ça avait été vraiment un de mes top 3 de l'année, pour l'année 87, ce démo. C'était... Moi, j'avais été vraiment, vraiment étonné d'entendre ça. J'ai même accroché rapidement à leur formule musicale qui était une espèce de crossover entre le thrash et le... C'est ça, le trash, le grind, un petit côté core sur les bars et humoristique également. Mais ce qui frappait, c'est que ce band-là pouvait jouer à 380 snares à minute et puis ça se tenait comme ça. T'sais, on avait entendu leurs amis de la côte ouest, Crypt Sex Slaughter. C'était plus ou moins, c'était pas toujours très très tête, mais là, avec eux autres, on rit plus. On rit, mais en même temps, on vous prend au sérieux parce que vous nous faites rire, mais vous torchez. Alors, on va y aller. On va entendre deux pièces, deux très bonnes pièces de ce démo. On écoute à l'instant The Vermock et Suck My Dick. Tout ça, Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. She got the best. Sassy beat us out of here again. And again, she got me messing around with this other shit. We have sex, so I told the witch to summon it, do it, summon it, I'm okay, summon it, what, summon it, this time, summon it, summon it, summon it, summon it, yeah! vient d'entendre Sadistic Vision avec la pièce titre de leur démo, Sadistic Vision 1988. C'était un démo qui était produit par Yves Drolet avec les membres de Sadistic Vision, évidemment, qui comprenaient Mario Marshall, bassiste, Steve McDonald, le regretté Steve aux drums, André Tousignan, guitariste, Christian Campo, vocaliste, et Stéphane Anger, guitariste également. J'avais accroché vraiment rapidement sur ce tape. Il faisait un peu à l'instar de Vermont qu'on a entendu en début de bloc, une espèce de mélange de thrash et de c'est ça, c'était du speedcore finalement. Et puis c'est un genre que j'aimais bien à ce moment-là. Ils sont arrivés au bon moment, je pense, pour faire ça. Ils le faisaient très bien d'ailleurs. Ça m'était parvenu par un correspondant que j'avais à Québec, dont j'oublie le nom malheureusement. Puis, lui m'avait fait parvenir des groupes de la vieille capitale qui étaient actifs à ce moment-là, comme Yogg-Sothoth, Machiavellian Regression, Daytona Trash aussi, entre autres. Donc, oui, j'avais bien aimé ce Sadistic Vision. Avant ça, on avait eu Morbid Angel avec Die Kingdom Come, de leur démo 87. Leur quatrième à ce moment-là. Et puis, cette pièce avait paru sur... La pièce titre avait paru sur une compilation que New Renaissance avait fait paraître l'année suivante, Satan's Revenge Part 2. C'est-à-dire les membres figurant dans le band à ce moment-là, c'était l'introduction évidemment de David Vincent, vocaliste-bassiste, Trey Azaktod, guitariste, Richard Brunel, guitariste, et c'était Wayne Artsell à la batterie qui remplaçait Mike Browning, qui avait quitté le groupe pour former plus tard Nocturnus évidemment. Ce band formé en 83 a quand même vendu plus d'un million d'albums dans leur carrière. On parle quand même des albums significatifs là, sur une période de 10 ans. Donc, et ça, c'est dû principalement à leur alliance avec Giant Records, un label majeur en association avec Warner Brothers. Ça, c'est un autre tape qui figure parmi vraiment mes top 3 de 87. C'était spectaculaire d'entendre ça. J'avais beaucoup aimé le démo, le fameux démo de 4 pièces, Scream for Blasphemies. Mais bon, la qualité sonore que j'avais à ce moment-là, la copie, c'était plus ou moins bon, mais avec celui-là, le son était beaucoup plus clair. Donc, c'était vraiment une belle période. Et justement, dans la même période, Vermock, on avait entendu les pièces de Vermock et Suck My Dick du démo Vermock de 1986. Donc, c'est déjà le temps de nous quitter. On s'est rallongé quand même pas mal pour ce spécial Metal for Breakfast avec Wayne Archibald, que je remercie grandement d'avoir pris le temps. C'était vraiment le fun de pouvoir se réunir pour partager plusieurs de nos coups de cœur des années 80. Il y en a eu bien d'autres. On a plein de bandes qu'on n'a pas nommées, les Angel Witch, les Loudness, les Running Wild, toutes les bandes Big Four, les Exodus, les Creator, les Name It, tout ça mis ensemble. Évidemment, ça aura pris 30 émissions, 30 autres émissions pour tout couvrir. Bref, je remercie grandement Wayne et je vous remercie d'avoir été au rendez-vous encore cette semaine. Évidemment. Je voulais mentionner en passant que il y avait eu une petite erreur pour la pièce de Voivode. J'ai fait un changement de dernière minute. J'ai décidé de faire jouer Waters of Ice au lieu de Live for Violence qui avait été annoncé au fameux déjeuner. Alors j'espère que tout ça vous a plu. La semaine prochaine ou dans deux semaines ou dans les prochaines semaines à venir, nous aurons des entrevues avec les membres de Phobocosm et aussi de Entropy, chacun des deux groupes. Phobocosm en prévision de leur album à venir en mai, et Entropy qui sont en train d'achever justement un quatrième album. Tout ça à surveiller dans les prochaines semaines à Subversion. Donc, spread the words pour Subversion. Et n'oubliez pas page SoundCloud, hurlement.com et toutes les bonnes émissions que vous pouvez trouver sur le web, comme rockclassic.net, réanimation.ad.com. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer avec cette gang-là. Donc, je vous reparle plutôt la semaine prochaine. OK, salut, bye.